Tiens, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Mes lettres. Comment tes lettres? Mais je les ai portées à ton père ce matin. Tu ne viens donc pas de chez vous? Voilà deux nuits que je couche à Arles. Oh, ça dure donc toujours? Toujours. J'aurais cru pourtant qu'après cette histoire des lettres... Quand c'est pour elles qu'on les lâche, les femmes vous pardonnent toutes les lâchetés. Alors, grand bien de face, mon garçon. Ici, grâce à Dieu, nous en avons fini avec cette folie-là. L'enfant se marie dans 4 jours, et cette fois, il prend quelqu'un d'honnête. Ah, il est bien heureux, lui. Ça doit être si bon de s'aimer librement. Ah, l'horrible vie de mensonge et de méfiance. Heureusement, cela va finir. Maintenant, nous allons vivre ensemble. Et malheur à elle, si... Quoi, vous vous mariez? Non, je l'enlève. Si tu es aux bergeries cette nuit, tu entendras une fière galopade dans la plaine. J'aurai la belle en travers de ma selle, et je réponds que je la tiendrai bien. Elle t'aime donc bien, cette Arlésienne maudite. Assez dans lui. Mais pourquoi partir alors? Fais ce que le nôtre a fait. Renonce à cette femme et marie-toi. Je ne peux pas! Elle est si belle. Mais je ne sais que trop qu'elle est belle! Misérable! Quel besoin avais-tu de venir me le rappeler? Frédéric. Un paysan. Le voir. Un paysan comme moi! Ah, mon bonheur te fait envie. Et c'est en sortant de ses bras que tu viens me le dire. Mais tu ne sais donc pas que pour un de ces moments de passion dont tu me parles, pour une minute de ta vie à toi, je donnerais toute la mienne, tout mon paradis pour une heure de ton purgatoire. Maudit sois-tu d'être venu, maquignon de malheur. C'est encore pire que de l'avoir vue elle-même. Tu me rapportes avec son haleine l'horrible amour dont j'ai manqué mourir. Maintenant c'est fini, je suis perdu. Et pendant que tu courras les routes avec ton amoureuse, il y aura ici des femmes en larmes. Mais non, ce n'est pas possible, cela ne sera pas à toi. Allons, défends-toi, bandit. Défends-toi que je te tue. Je ne veux pas mourir seul. Allons, Frédéric, que vas-tu faire? Toi d'abord, ton Arlésienne ensuite. Allons, Frédéric.